Activité 4, page 37, piste 26. A. Axel, tu viens avec nous? Oui, je viens avec vous. B. On y va à la piscine? Non, elle est chez elle. C. Emma ne mange pas avec toi? Non, elle n'a pas très faim. D. Tu n'aimes pas le badminton? Si, j'aime le badminton.